Au sport. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine division 2, Louis Saint-Laurent est au séminaire de Sherbrooke pour deux matchs le 25 avril. Les adversaires, le séminaire de Sherbrooke à 10h et l'école Jean Rimbaud à 16h15.